Bien, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très, très heureux de vous retrouver. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve assez régulièrement le samedi matin pour des émissions avec nos invités. Nous vous l'avons annoncé ce matin, annoncé aussi chez nos confrères de la Tribune Républicaine, un gros coup de projecteur sur la cure aujourd'hui. Communauté de communes, Us et Rhône. Alors bien sûr, on va parler des ZAC, la ZAC 3 entre autres. Hein. Je vais rentrer dans le vif du sujet, les zones d'activité artisanale et commerciale. La ZAC 3, bah, ça c'est assez clair, ça veut dire qu'avant il y a eu la 1, il y a eu la zone 2 et donc la troisième qui se profile. Alors on peut se poser la question légitimement, on vous la posera, on la posera à nos invités. Peut-être une quatrième, peut-être une cinquième zone, allez savoir. Une chose est sûre, bon, il y a du terrain, il y a des ambitions et il y a une furieuse envie de faire vivre un territoire surtout. Et pour ne rien gâcher, les élus qui se parlent et qui s'écoutent. Ce n'est pas le cas partout. Mais il n'y a pas que les ZAC, à la limite les ZAC, allez, on peut dire que c'est la cerise sur le gâteau. Les coups de projecteur vont être multiples ce matin dans cette émission. Ce que la CURE a réalisé depuis sa création en 2017, ses compétences aujourd'hui, ses investissements à venir. Nous allons évoquer la conjoncture actuelle et ça, c'est pas réjouissant. On parlera évidemment santé, on va parler médecins, télécabines, maisons de santé, les gens du voyage avec le CIGETA. Je ne savais pas ce que c'était, Paul, vous me l'avez dit hier au moment de la préparation de cette émission. Et j'ai regardé, j'ai cherché le syndicat intercommunal de gestion des terrains d'accueil, c'est pour les gens du voyage. Et on va parler aussi de la nouvelle adresse de la CURE, avec un point central de cette CURE. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis on parlera aussi de la compétence eau et puis d'autres sujets si on a le temps. Merci Paul Ranard d'être là, merci Jean-Louis Magnin. Paul, bien sûr, le président, Jean-Louis Magnin, vice-président. De l'autre côté de la vitre, on a Ludo et Alric qui vont manier donc les curseurs pour monter ou fermer les micros et envoyer la musique et pour vous accueillir, chers élus, Guy Catelan, évidemment. Merci Robert, bonjour Paul, bonjour Jean-Louis, on ne va pas faire de formule, hein, on est entre nous là aujourd'hui. Donc. Et c'est toujours avec un grand plaisir que la radio locale, Sorgia FM, se veut participative à la vie économique et sociale par l'information qu'elle peut apporter à ses auditrices et à ses auditeurs. Aujourd'hui encore, elle est fière de vous recevoir, Paul et Jean-Louis, pour parler de notre territoire pour lequel vous œuvrez à son développement économique et social. De son côté, la radio locale Sorgia FM est, on ne peut plus, fière de vous recevoir et participer à l'information et rapprocher ainsi nos deux territoires. Deux territoires séparés par un grand fleuve, le Rhône, mais qui pour nous n'est pas une frontière. Rapprocher la Haute-Savoie et l'Ain est pour nous essentiel, car nos territoires se ressemblent. Développement économique et social, c'est le combat des élus, mais aussi de l'information, que nous voulons sincère et ouverte à tous. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation à cette émission qui prend toute sa place dans la vie active de nos deux bassins de vie, voire ailleurs. Voilà, j'ai tout dit. Hein. Je pense qu'il faut lire entre les lignes quelque part, mais il y en a beaucoup qui comprendront. D'autres ne comprendront peut-être pas. on se donne cette liberté, car c'est la nôtre, c'est Sorgia FM. Quand même, je rappelle que Sorgia FM, elle est sortie de ses cendres en 1984, lors de la présidence du président François Mitterrand, qui a donné libre accès aux radios libres. Donc nous sommes une radio libre et nous travaillons avec les territoires avec lesquels nous sommes entourés. Bonjour Paul, bonjour Jean-Louis, bonjour Robert. Bonjour. La première question, Robert. Je viens de la composer dans ma tête, je me suis dit, 2017, naissance de la cure. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2017? Ça va être long, Paul, tout ce que vous allez nous raconter. D'abord, est-ce que vous pensiez, ce sera sûrement ma première question, que ça allait être une charge aussi importante que de gérer la cure avec les élus qui vous entourent? Non, mais tout d'abord, merci à Sorgia FM de nous inviter pour une présentation de notre territoire. Donc vous êtes bien à la radio des territoires de proximité. Et quand Guy, tu parlais du Rhône qui nous unit, déjà la cure, on a la particularité, peut-être la seule en Haute-Savoie, et en France, ça doit être rare, d'être sur deux départements. Donc on est déjà Haute-Savoie et trois communes de l'Ain. Donc on est déjà sur les deux départements. Non, 2017, c'était une fusion qui était faite, c'était la loi NOTRe qui nous a fait fusionner en cours de mandat. On avait fait 3 ans. Bon, on a eu une chance, c'est qu'on travaillait déjà en SCOT avant, donc on avait déjà préparé un petit peu. Mais c'est vrai que c'était difficile. C'était dur au début. Quand il faut tout mettre en état, on a 3 communes qui c'était un bassin, 3 bassins de vie différents, 3 compétences différentes. Il faut les harmoniser. Les élus aussi, il y a eu des élections. Il a fallu apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble. Il a fallu tout le personnel qui était sur 3 sites totalement différents. Il a fallu recréer des services, recréer certains sont partis de la SMIN pour la Frangie, d'autres de Frangie à Seyssel, de Seyssel à la SMIN. Il y a eu un grand brassage. Ça a été assez difficile sur les élus et sur le personnel. Je remercierai le personnel tout à l'heure, mais c'était pour eux aussi, pour nous c'était difficile, pour eux aussi. Mais finalement ça s'est fait. Et puis on n'a pas pris de retard, puisque depuis le début on a travaillé rapidement. Puisqu'on verra tout à l'heure, dans les 6 mois, on avait signé un contrat de ruralité avec le préfet, service de l'État. Il n'y a eu que 2 faits en Haute-Savoie, le nôtre et celui de la vallée de Thône. On a signé un contrat ambition région et on a lancé les investissements. On a poursuivi ce qui était fait dans les 3 communautés de communes, ce qui était lancé, et on a recréé. Je ne reviendrai pas là-dessus, Jean-Louis. J'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Jean-Louis Magnin, qui est vice-président efficace à tout ce qui est bâtiment et investissement. Donc c'est plutôt lui qui reviendra à tout ce qui s'est fait, je ne vais pas revenir là-dessus. Je voulais juste faire un point sur les principales compétences de la commune de communes. Parce qu'on dit les communes de communes, c'est quoi? Qu'est-ce que fait la commune de communes? Aujourd'hui, il y a les communes, communes de communes, régions, c'est tout mélangé pour les habitants de notre territoire, on ne s'y reconnaît plus. Donc aujourd'hui, il faut quand même dire les principales compétences de la communauté de communes. Je ne vais pas mélanger, il y a les obligatoires, les optionnels ou ce qu'on a pris, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a. En gros, il y a la compétence aménagement du territoire, tout ce qui est PLUI, tout ce qui est SCOT, tout ce qui est modification de PLUI. Ça, c'est la compétence aujourd'hui de la communauté de communes. Le service d'instruction, maintenant des permis de construire, qui, avant 2017, était assuré par l'État, aujourd'hui est assuré par les communes via la communauté de communes. Aujourd'hui, c'est les communes qui financent tout ce qui est urbanisme ou la Comcom. Mais c'est urbanisme, l'État n'intervient plus. C'est quand même une grosse charge. Rien que les PLUI qui avant étaient sur la compétence communale, aujourd'hui, c'est plus de 600 000 euros depuis 2017, la charge des PLUI. Ah ouais. L'urbanisme, bureau d'études. Quand on fait un PLUI, ça semble rien, mais les bureaux d'études, je vous dis qu'il en faut. Donc, en gros, c'est 600 000 euros ce que ça nous a coûté. Après, là, une deuxième compétence, c'est le social. Tout ce qui est social, on intervient. Tout ce qui est petite enfance, tout ce qui est crèche, tout ce qui est centre aéré. Paul, je croyais que c'était le département, le social. Ah, il y a du social, mais les petites enfances, c'est qui? C'est bien nous. C'est bien les nous. Crèches, okay. C'est bien nous. Vrai. Après, les maisons de santé, c'est bien nous. Le département nous aide. On a des subventions. Je reviendrai sur que, par exemple, une maison de santé, celle qu'on a fait à Frangy ou qu'on va faire à Seyssel, le département nous aide à 200 000 euros, de même que la région. Et puis après, on a des aides de l'État, comme sur Frangy ou Seyssel, on a encore eu 200 000 sur les fonds de soutien à l'investissement. Mais bon, c'est compétence comité de commune. Après, on a aussi, quand on prend de l'âge, il y a les maisons de retraite. La compétence maison de retraite, on a pris sur l'EHPAD de Frangy, c'est une compétence communautaire. J'y reviendrai tout à l'heure sur la maison de retraite. Après, on a tout ce qui est bâtiment. Ben, Jean-Louis va vous dire tout ce qui a été fait sur investissement. Après, on a tout ce qui est environnement. Donc l'environnement, il y a les déchetteries, il y a le ramassage des ordures de ménagères. Tout ça, c'est la communauté de communes via le CIDEFAGE ou via d'autres prestataires, mais financé en grande partie par la communauté de communes. On a les transports scolaires. Ça, c'est compétence communauté de communes. Bien qu'aujourd'hui, bon, on a transféré la compétence à la région, mais on l'assure avec la région. Après, on a la compétence qu'il ne faut pas oublier, c'est l'économie. Quand même, si on n'avait pas l'économie sur la cure, je reviens tout à l'heure, si on n'avait pas nos zones d'activité pour amener des ressources. Jean-Louis viendra parler tout à l'heure du transfert de fiscalité qui s'est fait, notamment sur la CFE, tout ça. Ça, je laisserai faire Jean-Louis. Mais disons, si on n'avait pas les zones d'activité, la vente des terrains, le retour de vente des terrains sur les zones d'activité, la cure, on n'aurait jamais pu faire tout ce qu'on a fait. Après, on a le tourisme. Dans le tourisme, on subventionne vis-à-vis de l'EPIC. Donc, on donne une subvention à l'EPIC qui anime l'EPIC, le tourisme. L'EPIC, c'est quoi, Paul ? Établissement public intercommunal de... Je ne sais plus. Commercial. Mais qui s'occupe du tourisme. D'accord. Sur la cure. Aujourd'hui, on subventionne le tourisme, il faut savoir, à hauteur de, grosso modo, sur le fonctionnement, 500 000 euros. Un peu moins cette année, parce qu'on a eu des aides de l'État pour la fermeture du site de Surlian. Et puis on a commencé à diminuer un peu le fonctionnement de l'Office du tourisme. Parce qu'aujourd'hui, 500 000 euros, ça fait quand même cher. Donc, c'est beaucoup d'argent, oui. Et puis on va venir après sur le budget de la Comcom. Il faudra qu'on resserre les boulons de partout, donc on serrait partout. Après, on a des compétences, une compétence nouvelle. Jean-Louis va peut-être vous en parler tout à l'heure, c'est les gens du voyage. Ça, avant, c'était commune. La loi NOTRe nous a remis communauté de communes. Donc on nous met des compétences nouvelles, mais sans ressources nouvelles, au contraire. Donc c'est de plus en plus difficile à faire. Voilà ce que... Mais aujourd'hui, la cure est sur ses rails, ça fonctionne. On reviendra tout à l'heure, on a fait notre plan prévisionnel d'investissement sur la fin de mandat, enfin sur le mandat, sur les 3 ans et demi qui nous restent. On s'est mis d'accord sur ce qu'on devait faire, ce qu'on devait faire. Après, on en reviendra plutôt aujourd'hui, la situation évolue, même rapidement. Justement, Paul, la situation aujourd'hui, la cure, c'est quoi la situation de la cure aujourd'hui ? La situation de la cure aujourd'hui est une situation qui est saine, notamment au niveau des emprunts. Au niveau des emprunts, on a à peu près 15 millions d'euros. 15 millions d'euros à peu près dans le cours. À peu près. Ouais. Donc 11 millions pour l'assainissement. D'accord. Donc on n'est pas chargé en emprunt sur le budget, les budgets généraux. Sachant que la cure, mais j'ai envie de revenir, on a eu beaucoup de travaux et d'investissements assez lourds qui ont été faits sur notamment les maisons de santé, tout ça, tout ce qui a été fait depuis qu'on est là. Donc on n'est pas chargé d'une situation qui est saine au niveau endettement. Mais la volonté des élus, c'est de faire avec ce qu'on a, sans trop augmenter les impôts, parce qu'aujourd'hui, ben oui, on ne peut pas augmenter à tout va, parce que la situation du contribuable est difficile, les Français sont difficiles. Donc, on va revoir les aides de l'État. On s'était bien débrouillé le premier mandat. Là, on a signé contrat de relance de transition écologique avec les services de l'État. On a un engagement qui nous aide principalement sur ce qu'on a dit. Je reviendrai après sur les investissements futurs. La situation est bonne, elle est serrée, elle est de plus en plus serrée, on a de plus en plus de compétences, de moins en moins de ressources. Nos fonctionnements aujourd'hui augmentent, on a fait le budget, on avait fait le budget, puis il a fallu le revoir vu le coût de l'énergie. Aujourd'hui, le coût de l'énergie, en gros, c'est pas loin de 100 000 euros entre l'énergie, les transports, le transport des ordures ménagères, le surplus du sidéphage. C'est à peu près 100 000 euros, donc c'est pas rien, 100 000 euros sur un budget, c'est 100 000 euros de moins à l'investissement. C'est clair. Donc, oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on va freiner ou, à la limite, ne pas faire naître certains projets parce que manque de ressources, Paul ? Non, je ne pense pas faire naître certains projets. Aujourd'hui, on a voté en conseil communautaire un plan prévisionnel d'investissement pour la fin du mandat. Enfin, la fin du mandat. Oui, la deuxième années. Partie des quatre années qui nous restent. Il faut savoir où on va parce que l'État, ce qu'il voulait, c'est savoir les investissements qui sont prévus. Le département, c'est à peu près pareil. Ils veulent savoir où on va, mais pas au coup par coup, à l'année par année, mais sur le reste du mandat, qu'est-ce qui est prévu. Donc, on a validé un plan prévisionnel d'investissement qu'on vous représentera tout à l'heure. Il faudra qu'on s'y tienne. Aujourd'hui, il faudra que nos conseillers communautaires, je redire ça au prochain conseil communautaire. Aujourd'hui, ce n'est pas tout d'avoir des projets tous les jours en disant on a un projet, la cure a qu'à le faire. Non, non, non, la cure, c'est comme tout le monde, il y a un plan prévisionnel d'investissement, il faut qu'on s'y tienne. Il faut qu'on s'y tienne. Après, si on n'arrive pas, parce que vu la hausse d'énergie, Jean-Louis vous parlera tout à l'heure, aujourd'hui, chaque appel d'offres, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est entre 20 et 30% de hausse. Donc 20 à 30% de hausse. Ça fait beaucoup. Et c'est pas fini. Donc 20 à 30% de hausse, c'est énorme sur les budgets. Donc il ne faudra pas qu'on les annule. Aujourd'hui, il faudra qu'on se tienne à ce qu'on avait prévu. Il faudra peut-être décaler un petit peu. Peut-être certains qui ne sont pas totalement indispensables, on les fera un petit peu plus tard. Mais c'est bien prévu. Ce n'est pas pour enlever des projets, pour en remettre d'autres. C'est pas ça. Aujourd'hui, il faudra qu'on se tienne sur ce qu'on a, où on était et puis où on voulait aller. Et pas question d'augmenter les impôts, Paul. Enfin, vous allez essayer quand même de... On va essayer de faire au maximum. Essayer, au moins, ouais. Et puis, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi aujourd'hui, qui est super importante, c'est les taux d'intérêt. Qui aujourd'hui, les taux d'intérêt montent. Aujourd'hui, Bercy a encore pondu une nouvelle réglementation. Je pense qu'ils vont la revoir. Il y a 15 jours, que pour les collectivités, ils ont un taux d'usure qui s'appelle ça. Collectivités, on est des mauvais... Pour Bercy, on est un mauvais... Nos comptes sont gérés par la trésorerie. Donc on n'a pas de flux financier sur nos comptes. Mmh. Nous, on emprunte, on rembourse nos annuités. Mais tous les flux financiers et tout, c'est tout à la trésorerie. Donc pour eux, ça ne leur va pas trop. Donc aujourd'hui, ils sont prêts limités pour les collectivités. Il y a une machin qui est paru, ils sont prêts à essayer d'y revoir. Maximum 12 ans de durée d'emprunt. Donc quand on fait de l'immobilier en 12 ans, il faudra qu'on m'explique comment on peut faire, comment on peut construire un EHPAD en 12 ans. Ah bon, avec des taux sur 12 ans, c'est impossible. Nous avons pondu un petit truc là, c'est là qu'on voit quand... je regrette, mais... Je me demande ce que nos députés et sénateurs font, parce que Bercy doit quand même être à leur ordre, et pas l'inverse. Donc, parce que pendant un truc comme ça, quand on dit qu'il faut relancer l'économie, qu'il faut relancer des choses, je veux dire, quand on va, puis qu'il faut emprunter... Alors, ce qu'ils font, ils disent, vous pouvez emprunter plus de 12 ans, mais à taux variable. Donc, vous savez ce que c'est que les taux variables. Oui, ça veut dire. Ouais. Taux variable, ça peut être pendant un an, deux ans, puis après, il faut vite le caper pour l'arrêter. Parce qu'autrement, on s'est vu ce qui était... Il faut bien être prêt et vigilant pour l'arrêter au moment où il faut, parce qu'autrement, on a vu qu'il y a des collectivités, il y a peu de temps, qui ont été en grave difficulté avec ça. Donc voilà, la situation n'est pas noire, mais... Vous n'êtes pas très optimiste, hein, quand même, Paul. Hein, non, ce n'est pas le fait d'être pas optimiste. C'est le fait d'être réaliste et de savoir où on va aller. Puis il faut mieux être prêt, parce que... c'est pareil, celui qui n'est pas bien là, il dit, bon, la Comcom, il y a de l'argent, il faut y aller, il y a de l'argent. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Comcom, c'est comme tout. Mais je tenais à mettre les compétences, pour finir avec les compétences, c'est pour dire que la commune de communes, on intervient quand même dans toutes les communes, déjà rien que sur l'assainissement. On a 26 communes, on doit avoir 32, 35 stations d'épuration. Donc ça, c'est la Comcom qui entretient, qui a construit, qui entretient toutes ces stations d'épuration. On a tout ce qui est environnement, on a tout ce qui est ramassage des ordures, on a tout ce qui est zone d'économie, tout ce qui est zone d'activité. On a tout ce qui est social, social, c'est les communes. Heureusement qu'on a la Comcom, notamment pour faire les maisons de santé. On a la chance, Jean-Louis l'a dit tout à l'heure, on va avoir 3 maisons de santé sur le territoire. Après, on a une commune aussi qui est un peu atypique. Je parlais tout à l'heure d'être sur 2 départements. On a aussi 26 communes. On a 3 bassins de vie avec pas de communes qui sont beaucoup plus importantes que les autres. La commune la plus importante, ça doit être Seyssel, qui doit avoir 3500 habitants par là. C'est la plus grosse, ouais. Après, quelque chose près, bon, Frangy doit suivre pas bien loin. Après, on a tout un tas de communes comme Chilly, tout ça, qui ont 1500, Clarafond, tout ça, j'en passe. Après, on a toutes des petites communes. Donc, on n'a pas de grosses communes. Mmh. On a un territoire avec 3 bassins de vie qu'on a voulu conserver. Par contre, il y a un peu plus de charges. On prend comme les gymnases. On a des gymnases à Seyssel, à Frangy, à Lasmine. On en a 3 endroits. Ceux qui n'ont qu'une ville-centre, comme beaucoup de Comcom autour de chez nous, eh ben, les gymnases, ils sont tous dans la ville-centre. Ça coûte moins cher, peut-être qu'il y en a un de moins, j'en sais rien. Mais nous, notre volonté, c'est de garder le service aux habitants de territoire où ils sont. Et à terme, que les gens habitent Anglefort ou qu'ils habitent Marlioz ou Mantonex ou Éloise, ils aient à peu près le même service, la même distance. Bon, c'est bien, c'est ce qu'on veut garder. Il y a un coût, mais il y a aussi des avantages. Donc c'est ce qu'on veut garder. Ça, Paul, alors, quand vous plantez le décor comme ça, ça veut dire que il va falloir aussi trouver des ressources quelque part, hein, puisque et c'est pourquoi aujourd'hui la ZAC 3, elle est pas opérationnelle, pas encore, elle est en pleine préparation, on va dire. Et je pense que là, Jean-Louis pourra peut-être voir un petit peu par rapport à cette ZAC 3 et nous faire peut-être un petit briefing prévisionnel sur... Je veux juste redire, j'ai oublié quelque chose. Allez-y. Non, les micros sont ouverts. Hein. Allez-y, Paul. Ce que je voulais dire, il y a un truc que je voulais quand même dire là, c'est que ce qu'on dit aussi, la Comcom, vous faites n'importe quoi avec le personnel, il y en a partout, il ne travaille pas, il y en a partout. Je vais vous dire que le personnel, aujourd'hui... On a 62 équivalents temps plein. Tout le monde est à son poste, tout le monde travaille. Dans ces 62 équivalents temps plein, on a la multi-accueil de la SMIN qui est compris dedans, puisqu'elle est gérée en direct. Et je voudrais remercier le personnel pendant ces 2 ans de Covid d'avoir travaillé. Beaucoup ne sont pas arrêtés. Beaucoup ont travaillé. Et puis que ce soit à tous sur leur poste nécessaire. Certains étaient en télétravail, mais ils ont travaillé. Ils ont pris une semaine de vacances pendant le confinement. Ça, je tiens à le faire savoir quand même. Il y a une semaine de vacances qui a été prise pendant le confinement. Et puis je remercie aussi le personnel de l'EHPAD. Parce qu'on gère un EHPAD. Vous savez ce que c'est qu'aujourd'hui que gérer un EHPAD, ben, je vais vous dire, le chapeau au personnel, ils n'ont pas regardé leurs heures. Et aujourd'hui, on a un problème dans les EHPAD. C'est comme dans toutes les EHPAD. On ne trouve plus de personnel. Donc le personnel qu'on a, il s'épuise. Aujourd'hui, les aides-soignantes, on n'en a plus. Au mois de mai, on ne sait pas comment on va faire. Donc il faudra qu'on remette un petit peu les pendules à l'heure. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il y a du personnel. Il faudra peut-être des gens, il faudra peut-être qu'ils se mettent là. Puis aller travailler dans les EHPAD, c'est pas dévalorisant. Au contraire, c'est valorisant. Peut-être que le salaire n'est pas assez élevé. Mais vous savez ce que c'est, comment ça se passe, la gestion d'un EHPAD. On a une gestion, un budget de fonctionnement. Et puis derrière, on essaye d'ajuster le prix de la journée au plus juste. Parce que dans nos EHPAD publics, je dis bien publics, les privés, c'est différent. Quoique, quand on voit ce qui se passe dans le privé, ça ne donne pas envie d'y aller. Parce que la différence de l'EHPAD public, c'est que les élus ont encore leur mot à dire dedans, puis leur contrôle. Donc, dans les EHPAD publics, qu'est-ce qu'on a ? On a des gens, malheureusement, qui sont comme nous, qui ont moins de moyens, les moins grosses retraites, qui ne peuvent pas se payer du soi-disant privé où il y a plus de services. Donc, il faut continuer de donner le service, mais à un prix de la journée qui soit raisonnable. Parce que les fins de mois sont proches. Celui qui a une retraite autour de 1 000 euros et puis qui est en EHPAD, je veux dire, les économies, elles fondent. Puis après, ça se retourne sur les familles. Donc, on veut faire au minimum. Donc, je remercie encore le personnel de l'EHPAD et puis surtout ceux qui nous restent, parce que quand ça manque du personnel, ben, qui c'est qui fait ? C'est les autres qui se payent. Qui se payent les gardes, qui se payent les rallonges. Donc, le souci que j'ai, moi, c'est sur le personnel de l'EHPAD. Notre personnel ailleurs, si on prend par exemple dans le bâtiment, n'importe quoi, il y a un manque de personnel partout. Mais bon, les entreprises prennent un chantier de moins, se débrouillent avec les autres. Mais bref, mais un EHPAD, il faut soigner nos gens qui sont là tous les jours. C'est comme un hôpital, c'est comme tout. Donc c'est le souci que j'ai. Après, ce qu'on va faire, avant de parler sur la ZAC, je voudrais que Jean-Louis fasse un bilan de ce qui s'est fait sur le bâtiment depuis 2017, bâtiment investissement. Gros investissements depuis 2017. C'est bien de savoir ce qu'on fait pour savoir où on va aller après. Les appels d'offres, les bâtiments. Voilà. Jean-Louis, il faut y aller. Hein. Bien, bon. Il faut y aller. Bonjour déjà à tous vos auditeurs de Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Merci. Hein. Et puis je voudrais remercier de m'avoir invité, ben surtout Paul, puisque c'est Paul qui m'a demandé de venir avec lui. Donc j'ai bien sûr accepté. Et puis merci Guy et Robert d'avoir toujours un accueil sympathique. C'est normal. Voilà. On est reçu chez vous avec simplicité et sympathie. Donc on fait pareil. Hein. On rend la pièce de la monnaie de la pièce. Bien, moi je vais évoquer donc les projets qui ont été réalisés depuis 2017. Alors je ne vais pas procéder chronologiquement, mais je vais procéder par rapport à la géographie de la CCUR. Oui. Donc on commence par le sud, Surian. Surian, on a réaménagé un parking et couvert une partie de la terrasse. Je ne vous donne pas de chiffres. Non, ce n'est pas la peine. On ne voit pas brûler les gens des chiffres. Voilà. Ça ne sert à rien. Après, CCL1, on a fait un investissement au niveau de l'aire de camping-car qui était nécessaire puisqu'il y avait un stationnement anarchique des camping-cars le long du Rhône. C'était un petit peu désolant et ça désolait le maire de CCL1. Donc, on a agi. On a créé une aire d'accueil qui est gérée par un prestataire. On réalise en ce moment des travaux de réhabilitation du bâtiment du prestataire loisirs de la zone, Prolinx pour ne pas le nommer. C'est un gros investissement qui va leur permettre d'avoir un bel outil de travail, ce qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant. On parle sur CCL Haute-Savoie de la réfection d'une partie de la Viorana entre CCL et le Fier. On parle bien sûr du social avec le multi-accueil et la réalisation d'une crèche 22 berceaux. Un relais d'assistance maternelle situé dans les mêmes locaux contigus à la maison de pays. Après, ben, voilà, nous voilà sur le territoire de la Smine. Donc la maison de vie 2 qui avait été initiée lors du... avant la fusion, mais qui a été réalisée, inaugurée par la cure. Voilà. Le tennis couvert de la Smine aussi qui avait démarré, mais le feu vert a été donné par la cure, financement par la cure. Voilà, on n'a pas démarré les travaux avant que... C'est la cure. On aurait pu le faire communauté de communes de la Smine. On a attendu pour que ce soit la cure qui valide. On a fait une petite annexe au bâtiment Omnisport pour permettre les moments de convivialité des associations qui utilisent le bâtiment Omnisport et le boulodrome. Et après, on, voilà, pour ce qui est de la Smine, après, on se retrouve sur le territoire du Val d'Isus. Donc, il y a eu, la, même si ce n'est pas moi qui ai suivi le chantier, il y a eu la déchetterie. Ah oui. Qui avait un besoin imminent d'être rénovée, réhabilitée ou reconstruite. C'est la décision qui a pris la cure. C'était carrément une construction en dehors du site existant. On a permis au Panier du Cœur, qui est une épicerie solidaire, de s'installer dans les locaux, les anciens locaux d'Agri Sud-Est. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc vers le rond-point. Après le... Non. Les anciens locaux d'Agri Sud-Est. Ah oui, d'accord. Ah oui, ouais. Vers l'église. Vers d'accord. La salle Jean 23. Ouais. Et puis sur Frangy, on a aussi la maison de santé. Qui est en service depuis le 1er janvier 2022, avec des médecins, infirmières, enfin un peu le même style que les maisons de vie d'un côté, maisons de santé de l'autre. Ouais. Voilà pour ce qui s'est fait depuis 2017. Après, je laisserai Paul présenter les projets. Et puis les actes, vous ne l'avez pas évoqué, il y a aussi les actes, les actes 1, 2, et puis... Alors les actes, ce n'est pas tout à fait ma compétence, mais moi, ce que je peux vous parler, c'est de la fiscalité. Oui. Les actes... ce n'est pas vraiment les actes, mais c'est la fiscalité suite à la fusion de nos trois communautés de communes, puisque, bien sûr, c'est facile de dire « Yaka Foucon, vous devez fusionner, la loi nôtre ». Seulement, il y a des choses qui sont à prendre en compte et qui sont faciles à prendre en compte, puisque sur le territoire, il y avait la philosophie de la fiscalité n'était pas la même sur les trois territoires. Donc, notamment en termes de CFE, de taxes professionnelles, où chaque territoire avait sa propre façon de voir les choses. Nous, sur le territoire ex-Semine, on avait une fiscalité intercommunale forte. Qu'est-ce que vous appelez forte? C'est-à-dire que... je vais parler des pourcentages, puisque ça va parler. Hein. On avait une fiscalité... Donc, on était en fiscalité additionnelle, c'est-à-dire qu'il y a les fiscalités des communes, chaque commune. Était maître chez elle. De ses actes, ouais. Et la Concom était maître chez elle aussi. Donc la communauté de communes de la Smine avait une fiscalité de 11,22%. Mmh. La communauté de communes du pays de Seyssel était à 3,49%. Vous voyez un petit écart. Vous voyez un peu le grand écart. Il y a un petit écart. Et puis le Val d'Isus était à 4,20%. Ah oui, carrément. 20%. Ouais. Et donc, quand je vous dis c'est facile de fusionner, il suffit de déterminer le taux médian, qui était 7,64%, et débrouillez-vous avec ça. Avec ça. Voilà. Donc concrètement, ça a crisé un peu, non? Parce que ça a crisé un peu. C'est douloureux sans l'être, puisqu'on a décidé à l'époque de faire un lissage sur 9 ans. Ouais. Donc, faire un lissage, d'accord. Voilà. Donc, mais les principales conséquences quand même, c'est que La fiscalité principale du territoire, c'est le barrage de Génicia, qui est en partie sur le territoire de la communauté de communes, l'ex-communauté de communes de la Smine. Avec sa fiscalité à 11,22%, c'était pas innocent. C'était pas innocent. Bon, je dois dire aussi que les entreprises du territoire de la Smine, autre que la CNR, elles s'allongeaient aussi, elles étaient alignées à 11,22. Elles crachaient le bas CNR. Voilà. Ouais. Donc tout ça pour dire que la fusion a fait qu'on ponctionne moins CNR au niveau de la fiscalité additionnelle et on la reporte sur les entreprises du territoire, notamment du pays de Seyssel et du Val d'Isus. Ouais. Et puis ce qui est normal, c'est que les entreprises du territoire de la Smine qui ont beaucoup payé à un moment donné, eux, ils ont une fiscalité descendante plutôt que montante. Voilà un peu l'effet pervers de la fusion. Voilà. Pervers plus ou moins. Enfin, un petit peu quand même, parce que certaines entreprises du territoire... Oui, c'est vrai, ça a dû grincer un peu quand même. J'imagine. J'imagine. Voilà, après, sur les ZAC, je préfère quand même que le président, qui est fortement investi, et qui s'est fortement investi depuis 2008 sur ces ZAC, et, bah, il s'est investi sur tout, hein, dans tous les domaines. Ouais. Mais sur ces ZAC-là, c'est une volonté de Paul d'aller dans le sens où on va aujourd'hui, ouais, et qui s'est démené. Et qui se démène de plus en plus, et c'est de plus en plus compliqué. Je vais le laisser s'exprimer là-dessus par rapport aux ZAC et la difficulté qu'il a eue pour faire aboutir cette ZAC 3. Et, oui, là, on avait regardé aussi hier avec les appels d'offres, les bâtiments, ça c'est de votre compétence. Ah, ça oui, c'est de ma compétence. Alors les appels d'offres, c'est pour ça que je voulais que Paul en parle un petit peu avant, parce qu'on parle des projets à venir. Et, bon, voilà. Oui. Mais bon, si on parle d'appels d'offres, on a lancé une crèche à Mazier de 25 berceaux où là, quand on a ouvert les plis par rapport à l'estimation, on est 15% au-dessus. Ah oui. Voilà. Et la directive du Premier ministre, c'est de ne pas faire d'appels d'offres avec des prix fermes. Ah, ça se comprend difficilement quand on est une collectivité, ça se comprend un peu mieux quand on est en entreprise. Parce que c'est sûr que l'entreprise, dans la conjoncture d'aujourd'hui, si elle donne un prix définitif au 30 avril, si elle a du matériel à fournir à la fin de l'année... Qui a pris 30%. Oui, qui a pris 30%. C'est clair. Hein. Donc aujourd'hui, les appels d'offres, les directives qu'on a, c'est de ne pas faire des appels d'offres à prix ferme. Donc c'est compliqué. Très compliqué. Compliqué. Très compliqué. Alors, oui, Paul, cette ZAC 3 en définitive, je vais poser une question. C'est pas le morceau qui est plus dur à digérer. Enfin, je veux dire par là, on comprend très bien que par rapport à cette ZAC 3, 1, 2, 3, on comprend bien votre vue à long terme, hein, c'est-à-dire que à faire de l'animation sur la semine et apporter des emplois, parce qu'il ne faut quand même pas les oublier, les emplois. Hein. Les emplois, la fiscalité, c'est une chose, les emplois, c'en est une autre qui est aussi importante que la fiscalité quelque part. Donc, cette ZAC 3, est-ce qu'elle est la bienvenue ou pas? Non, mais c'est sûr qu'elle est la bienvenue, mais je voudrais quand même revenir un petit peu quand même. La fiscalité, c'est quand même important. Ce que Jean-Louis vient de vous dire, quand même le choix qui avait été fait sur la SMIN à l'époque, c'était taxer le barrage, taxer les entreprises, qui nos entreprises l'ont accepté. C'est vrai. Et aujourd'hui, nos entreprises, celles de Frangy ou de Seyssel, payaient beaucoup moins. Donc c'est normal aujourd'hui qu'on ait un rééquilibrage mais ce que Jean-Louis dit, c'est au détriment de la CNR. Donc c'est ce que je regrette un petit peu dans la loi qui a été faite. Parce qu'aujourd'hui, avant, on avait quand même un lien entre les entreprises, les habitants et les collectivités. Ah, oui. Ça veut dire qu'il y avait des entreprises qui payaient des taxes professionnelles à l'époque. Donc nous, c'était facile, nous élus, de dire on fait des zones d'activité, on enlève des arbres, on fait des zones d'activité, il y aura des camions, il y aura de la fumée. Il y avait les emplois, mais il y avait aussi les ressources fiscales qui arrivaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous a fait? On nous dit maintenant, c'est l'État qui récupère. On vous compense à l'euro près, ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont compensé. Donc, ils nous ont mis une perfusion. Donc, aujourd'hui, les collectivités, on a une perfusion. L'État nous reperfuse ce qu'ils nous avaient pris à l'époque à l'euro près. Mais la progression, elle est où? On la voit bien moins. Après, on a une deuxième chose qui est arrivée il y a peu de temps, taxe d'habitation. Oui. C'est très bien. Moi, je vous enlève, l'État nous a enlevé la taxe d'habitation. Ça revenait à qui en grande partie? Aux collectivités. C'est facile à faire ça. On enlève ce que les collectivités avaient. L'État, dans sa grande mansuétude, dit on vous compense à l'euro près. Qu'est-ce qu'on fait? Et la progression, elle est où? Parce que quand on construit quelque chose, quand on met des zones d'activité ou d'habitation, c'est pour avoir des ressources supplémentaires. Bien sûr. Si on n'a pas de ressources supplémentaires à part le foncier bâti, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment on finance nos écoles, comment on finance nos routes, nos stations d'épuration, c'est de plus en plus difficile. Donc l'État, une perfusion pour la taxe professionnelle, une autre pour la taxe d'habitation. Puis maintenant l'État, c'est ce que c'est que l'État, c'est normal, l'État c'est nous tous, il y a une dette d'État. Et aujourd'hui, la dette d'État, Je ne veux pas vous dire combien c'est. Bon, bref, pas dire qui l'a fait, comment ça s'est fait. Aujourd'hui, on a une dette d'État qui est là, qu'on doit rendre. Jusqu'à maintenant, ça allait bien. L'État a emprunté à taux, voire négatif. Plus tu empruntes, plus tu as d'argent, moins ça coûte. Aujourd'hui, malheureusement, l'inflation est prêt à repartir. Les taux sont prêts à repartir. Donc l'État, faudra, la dette d'État, aujourd'hui, elle va gonfler. Comment on va la rembourser? Je ne sais pas. Donc l'État, qui que ce soit, je ne juge personne, il faudra qu'il trouve de l'argent. Donc l'argent, il va le trouver où? Ben, il va dire, aujourd'hui, non, ça encore, comment ça s'est fait? Mais le mandat d'après, ils vont dire, ben, les collectivités, ça coûte trop cher. Vous avez vu l'État, ce qu'on donne aux collectivités? Il y a un problème, les collectivités, elles sont mal gérées. Mais on nous a enlevé ce qui nous revenait à nous. Donc c'est facile à enlever, voilà. Aujourd'hui, c'est pour ça que la situation est de plus en plus difficile. Et nos marges de manœuvre dans les collectivités sont de plus en plus réduites parce qu'on a ces phénomènes de perfusion. Et aujourd'hui, je trouve dommage que nos grands élus, on n'entend pas dans les débats, on n'a pas entendu dans les débats pour le président de la République, les députés, ça va être pareil, ça va sortir la moitié en politique, on va parler de tout et n'importe quoi, mais pas de ça. C'est quand même important aujourd'hui, les collectivités, de faire savoir aujourd'hui comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on a perdu et comment c'est. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma marge de manœuvre est de plus en plus difficile. Mais bon, c'est pas que je sois défaitiste. Mais il faut être quand même un petit peu réaliste et puis que les gens sachent un petit peu. Donc après, les zones d'activité, c'est sûr que c'est super important. Si on n'avait pas l'économie sur le territoire, là, je parlerai plutôt... Le vice-président de l'économie n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il a un empêchement de dernière minute. Donc je parlerai à son nom, qui est en Vermel, qui s'occupe beaucoup des zones d'activité. Donc on en a une vingtaine sur le territoire. Ça, c'est son affaire. On en a beaucoup sur Frangy, notamment avec la zone du Vieux-Moulin, la zone des Bonnets, où c'est des grosses zones d'activité. Après, on en a eu Seyssel, Zacquin, Valfière, là-bas, c'est des petites zones d'activité qui ne sont pas définies, à part aux Fières, où il y a une zone d'activité. Et puis là, on est prêt à en faire une à Maboué, Corbeneau, qui aujourd'hui est pratiquement terminée, et pratiquement tous les terrains sont vendus. Donc c'est fait, on finit la viabilité. Et puis après, on en vient à ce qui est important, ce que tu disais tout à l'heure, il y a deux choses, il y a les emplois et l'économie. Donc les emplois, c'est important parce qu'on a de plus en plus, on a beaucoup de gens qui sont venus sur notre territoire pour certains aller travailler en Suisse. Parce que bon, aujourd'hui, on a l'effet frontalier. Heureusement qu'on l'a. Bon, je pense que c'est pas prêt de finir parce qu'on disait ça va être de plus en plus difficile de l'autre côté, mais il y a de plus en plus de demandes. Il y a tellement de taxes en France que c'est malheureux, les entreprises préfèrent être l'autre côté. Et puis nous, ce qu'on fait, on retouche les fonds frontaliers, c'est vrai. Mais les fonds frontaliers, c'est quoi? C'est un juste retour des impôts qui ne sont pas payés en France. Et aujourd'hui, nous, les collectivités, qu'est-ce qu'on s'assume? Ces fonds frontaliers, c'est fait pour payer les stations d'épuration, payer tout ce qui est route, tout ce qui est école, tout ce qui est garderie. Ça, c'est tout quand même, la France qui paye. La CFG n'est pas en danger, Paul, c'est une parenthèse. Parce qu'à Bercy, ils regardent ça, mais de plus en plus près. Ah, mais c'est sûr que rien n'est jamais acquis. Rien n'est parce acquis, que Bercy, il faudra qu'ils trouvent de l'argent. Justement. Et il y a des fins limiers qui sont là-dedans. Ils n'ont que ça à faire. On peut le dire. Non, mais et puis il faut qu'ils justifient leur poste. C'est là que c'est grave. Parce qu'on a beaucoup aujourd'hui de hauts fonctionnaires ou de fonctionnaires qui... Je parle des fonctionnaires, des bureaux d'études, tout ça. Je reviendrai tout à l'heure sur l'EHPAD. Parce qu'il y a un truc sur les pattes qui me contrarie. Donc les fonctionnaires, ils sont là, il faut qu'ils justifient leur poste. Donc c'est comme un contrôleur fiscal. Hein. Contrôleur fiscal, il en faut. Hein. Il faut de la justice, car je vois ce qui se passe avec ce matin à BFM avec Becker. Par exemple. Qu'on les fasse payer, ces gens-là, c'est tout à fait normal. Hein. Mais après, quand on vient de chercher les poux dans la paille pour une bricole, au bout d'un moment, faut aussi avoir des contrôleurs, mais il faut aussi avoir des gens qui travaillent, puis des entreprises qui travaillent, qui investissent. Et une entreprise qui travaille, qui investit, ça a toujours un moment où il y a une déclaration qui est mal faite, un truc qui est mal fait. Les redressements-là, si c'est des gros trucs, oui. Mais quand c'est à la marge, il faut arrêter d'emmerder les gens, puis de les laisser travailler. C'est un peu mon point de vue. C'est ce qu'il faudra peut-être qu'on remette en France, un petit peu le goût du travail, goût des entreprises qui reviennent travailler sur le territoire plutôt qu'aller à l'étranger, qui reviennent travailler en France. Puis aujourd'hui, on voit que ce qui se passe, ce qui s'est passé avec le Covid, il y a 2 ans en arrière, on n'avait plus rien parce que tout venait de Chine. Aujourd'hui, malheureusement, la guerre d'Ukraine, qui est en Ukraine, que c'est inadmissible ce que la Russie fait, mais la guerre d'Ukraine fait qu'aujourd'hui, on n'a plus rien. Il n'y a plus rien parce que tout venait d'Ukraine ou de la Russie. On n'a plus rien. On ne produit plus rien en France. Vous voyez, ce matin aussi, toujours une radio concurrente, une télé concurrente. Je vais regarder 5 minutes le matin. Alors, c'était sur le blé noir. Il n'y a plus de blé noir parce que ça vient tout de là-bas et plus de sarrasin. Alors, on dit, il faut faire du blé tout de suite. Mais on oublie que pour faire du blé, ça sème une année à l'avance, le blé. On ne dit pas, tiens, on va faire du blé, appuyer sur le bouton pour faire du blé. Non, non, ça se fait une année à l'avance. Et je regrette qu'une chose, eh bien, c'est qu'on a tout pris à l'étranger parce que c'était une bricole moins chère. On voit les masques aujourd'hui. On a lancé la fabrique des masques en France. Aujourd'hui, tout vient de Made in China. On n'a pas compris, même les services d'État n'ont pas compris que le Made in China pour les masques, on devrait faire stop, même que les masques français coûtent. Allez, encore un poil plus cher. Les matières plus chères, c'est parce qu'il va ruiner le monde. Mais faisons travailler les entreprises françaises. On n'a encore pas été. La leçon du Covid n'a pas été faite. L'Ukraine, j'espère, malheureusement, que ça servira un petit peu de leçon aujourd'hui de reproduire en France. Et puis qu'en France, on ne peut pas être. Parce que ce que les Russes ont fait, notamment l'autre fou, il faut reconnaître qu'il a fait quand même une chose. D'autres fanatiques, il a fait une chose, c'est qu'il y a 10 ans en arrière, l'industrie russe ou l'agriculture russe était déficitaire. Aujourd'hui, l'agriculture russe puis l'industrie, ils sont autosuffisants. Autosuffisants. Pendant ce temps, l'Europe, qu'est-ce qu'on a fait? L'Europe, on a fait un truc de nanti. On voulait plus de production en Europe parce que finalement, les camions polluent, il y a des fumées, il y a une cheminée qui fume. Il y a un truc, l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a fait l'agriculture? On a verdi l'agriculture, on a mis des terres en jachère, on a fait ça. C'est bien, on a joué. C'est bien. Mais aujourd'hui, on a perdu notre production. Et puis aujourd'hui, on pénalise. Par contre, après, il faut faire ce qu'il faut pour l'environnement. Il faut aussi respecter l'environnement. Mais j'ai discuté avec le directeur de Anglefort, la Sofrem. Non, c'est pas ancienne Sofrem, oui. Il disait, bon, aujourd'hui, leur usine, elle tourne, mais elle est sous le couperet aussi d'être délocalisée en Inde ou en Chine ou je ne sais pas où. Et au niveau environnement, parce qu'une fois, j'étais en réunion à Anglefort là-bas, bien sûr, convoqué par ceux d'Extrémin là-bas, que ça polluait sur la Chautagne, la fumée d'Anglefort. Il y avait du bruit, peut-être, mais il y a longtemps que l'usine existe. Les gens sont venus construire proche de l'usine, et puis après, ils se plaignent qu'il y a de la fumée. C'est moyen quand même. Mais en discutant avec le directeur du site d'Anglefort, si l'usine ferme, ça va être produit ou en Inde ou en Chine, où là-bas, il n'y a aucun truc environnemental, la pollution, ça va être quelque chose de phénoménal. Et puis on a vu Tchernobyl, on a vu ça, la pollution, elle ne s'arrête pas aux frontières. Donc elle nous revient directement. Donc il vaut mieux avoir des entreprises chez nous, où au niveau environnement, on fait ce qu'il faut faire, plutôt que ça, et puis revenir en France. Donc, là, j'en viens aux actes 1, 2, 3. quel laïus. Non, mais... Attendez, Paul. On peut faire un petit break, là? Oui. Un tout court petit break. Oui, court, oui. Hein. Court, oui. Juste un petit break, une chanson de Goldman. Je te donne. Voilà, je te donne. Voilà. Et puis on l'envoie du côté de Franklin. C'est bien vu, je te donne. Oui, mais on nous en donne de moins en moins. Oui, mais bon, l'espoir fait vivre. Hein, oui. Hein, on l'envoie du côté de Franklin, hein, parce que Franklin, il paraît qu'il y aurait quelqu'un qui tendrait une oreille attentive à l'émission de ce matin. Elle se reconnaîtra, elle s'appelle Pascal. C'est pour elle. I can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry thoughts in the songs we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo. que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chances. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir, les questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont brûlées. Ce que je vaux. Retour à cette émission donc consacrée à la pure communauté de communes UC-Rhône avec, avec nos invités, nos deux invités, le président de la cure, Paul Renard, Jean-Louis Magnin, vice-président. On en est, alors Goldman, hein, c'était pour Pascal, c'est ça? Que l'on embrasse au passage. Parenthèse fermée. On revient à cette émission. On était en pleine, juste avant la pause musicale, Paul, en pleine ZAC. ZAC 1, 2 et 3. Quel développement. Et la ZAC 3, c'est, alors, d'après ce que j'ai compris, c'est beaucoup plus difficile que la ZAC 1 et puis la ZAC 2. Et puis l'EHPAD. Oui, alors, sur la ZAC 1, vous êtes tous, elle s'est fait il y a une vingtaine d'années, elle a commencé, notamment suite à l'échangeur d'autoroute, ce qui a fait aussi un petit peu l'essor du secteur là-bas, c'était sortie d'autoroute. Donc, ZAC 1 s'est faite, c'est vrai que c'était très facile de faire la ZAC 1. Une année, on a fait la ZAC 1, qui aujourd'hui, la ZAC 1 est complète. Il n'y a plus qu'un seul bâtiment qui va se monter à l'entrée de zone en face de Savoie-Volaille. C'est un gros bâtiment. C'est deux architectes qui montent ça. Donc, rez-de-chaussée, ça va être des locaux commerciaux, petites entreprises. Ça va être à la vente ou à location. Et à l'étage, c'est des locaux qui sont déjà réservés, professionnels. Donc, c'est un gros bâtiment avec parking en sous-sol. C'est la première fois qu'on fait ça sur la Smine. C'est sur la Smine, sur la Smine, du Cerro, il y en a déjà, mais sur la Smine, non, pas dans les zones d'activité. Dans une zone d'activité, c'est la première fois qu'on fait un parking en sous-sol. Ça montre que le foncier est bien rare, et puis que les gens jouent le jeu, et puis veulent investir au maximum. Donc ça c'est bien. Donc c'est plein. Bon, je sais pas, je n'ai pas fait les emplois, mais il y a plus de 100 emplois sur la ZAC 1, sur 150 même. Bon, bref. La ZAC 2. La ZAC 2, bon, il y a eu la centrale à Rebais. Et puis la deuxième chose, c'était l'entreprise Escoffier. Bon, l'entreprise Escoffier, ça a duré longtemps. On en a pris un peu plein la tête en disant vous faites une décharge à l'entrée et sortie d'autoroute, ceci, cela, ce sera qu'un ferrailleur, ce sera qu'un rien du tout. Bon, bref, on a joué la carte Escoffier. Pourquoi ? Parce que c'est du local non délocalisable. Et aujourd'hui, ben, on a eu raison de faire confiance à cette entreprise, puisqu'aujourd'hui, vous avez vu que sur ces terrains, ça monte comme un champignon. Oui. Il va y avoir une usine qui va être très performante, ça va être la plus performante d'Europe sur tout ce qui est recyclage des plastiques. C'est important, parce que les plastiques, tout le monde en produit, personne ne les recycle. Aujourd'hui, ça va dans la mer, et c'est une richesse. Donc, c'est l'usine qui va monter. On a posé la première pierre avec Laurent Wauquiez, qui avait Laurent Wauquiez. Et dans printemps prochain, elle sera en activité. Donc on vous redira pour venir voir. Et ça va être quelque chose de très très belle usine. Très content que ça se finisse, la ZAC 2. La ZAC 2 fait, on a lancé déjà il y a 8 ans en arrière, une ZAC 3. Donc la ZAC 3, ça a été très très très difficile à faire. Pourquoi ? Parce qu'on dit que la simplification est là, mais ce n'est pas la simplification. Au niveau environnemental, il faut faire attention à ce qu'on fait. On en est les premiers conscients. Donc, aussi, on va être clair aujourd'hui, il y a eu un débat sur une ZAC 4. La ZAC 4, elle est au SCOT, elle n'est pas du tout programmée. Pas du tout programmée. Donc, il faut arrêter. Il y a eu un débat, je ne suis pas certain, qui voulait dénigrer, nous dénigrer. On dit, ils sont prêts à enlever tous les arbres, ils enlèvent la ZAC 4. Ils se font la ZAC 3, la ZAC 4, la ZAC 5, il n'y aura plus de bois sur la semine, non pas du tout. On est aussi autant au soucieux de l'environnement que beaucoup. Donc on a travaillé déjà depuis 7 ans, 8 ans avec les associations environnementales, certaines efficaces, d'autres beaucoup moins. Ce que je reproche notamment aux services, dès qu'on a les services départementaux, on a des réponses. Des réponses, je dis bien des réponses, ça avance, ça va vite. Dès qu'on tombe sur les services régionaux, à Lyon, là-bas, alors là, c'est une catastrophe. Les gens viennent, notamment tout ce qui est Dréal, tout ça, sur le déboisement, sur le défrichement, tout ça. On a des accords en réunion, on attend la confirmation, on attend 6 mois. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, bref. Bon, donc, je pense que le bassin Bellegardien a eu le même problème que nous. Nous, on a eu d'abord les bois, comment on a failli défricher. Donc là, on a eu un accord avec la DDT, avec les services d'ONF. 1 mètre carré, 2 mètres carrés. Mais on ne replante pas 2 mètres carrés de bois. C'est-à-dire qu'on améliore des bois. On a donné une somme que l'ONF gère pour améliorer les bois communaux, que ce soit les communes de tout autour du plateau de la Semine, que ce soit Clarafond, Éloise, Franklin, Chêne, Saint-Germain. L'ONF a une somme pour améliorer les bois. Je pense que c'est une bonne chose. Après, on a toutes les zones humides. Alors, les zones humides, ça, c'était... On commence par les œillets superbes, on commence par les zones humides. Là, on a beaucoup travaillé avec Aster. Et notamment, un que je veux citer aujourd'hui, c'est Jacques Bourdon, Clarafond, qui est un naturaliste, mais qui est... Je n'ai pas toujours été comme ça avec lui, mais qui est très, très terrain. Et c'est un homme de terrain. Et c'est grâce à lui, si on a pu faire avancer les dossiers... S'il n'y avait pas été, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus difficile. Et puis, on a avancé des dossiers, donc on a, pour se faire court. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des zones qu'il faut densifier, puis d'autres zones qu'il faut protéger la biodiversité. On ne peut pas tout faire pareil. Il faut un peu de construction, un peu de co-construction, habitation ou zone d'activité, et puis d'autres zones, on protège. Donc, ce qu'on a fait sur la ZAC 3 de la Semine et la ZAC 2, quand vous arrivez à vous allez à Clarafond, à gauche, la zone d'activité, ce qui se déboise. À droite, il y a eu des déboisements de fait. C'est les mesures compensatoires. Parce que mesures compensatoires, c'est quoi ? Zone humide. On est revenu à droite à faire ce qu'était la nature il y a 50 ans. Quand j'étais jeune, qu'est-ce qu'on faisait ? On allait couper au mois de juillet-août les prés humides pour faire de la blache, pour faire de la litière pour les vaches, parce qu'il n'y en avait point à l'époque. Donc on fauchait les prés au milieu des bois et ça gardait les zones humides. C'était des zones humides qui étaient un peu marécageuses, mais ça faisait des litières pour les animaux. Après, ça n'a plus été fauché, et quand c'est plus fauché, la nature a horreur du vide, ça poussait plein de vernes, plein de saules qui ont toutes pompé l'eau, et il n'y avait plus de zones humides. Et l'ambition de Jacques Bourdon, c'était de refaire ces zones humides. Il me dit, Paul, jamais j'aurais pensé qu'on puisse arriver à un accord là-dessus. Et là, on a eu un accord. Et ce qu'on a voulu, avant de faire la ZAC 3, c'est de mettre en place ces mesures compensatoires. Donc c'est pour ça qu'à droite, en allant à Carafon, tous les déboisements qui sont faits, c'est tout pour faire recréer des zones humides. Ce n'est pas pour enlever du bois. Là-dessus, on a eu un accord. Bon, je ne vous passe pas le dernier qui était le plus dur à passer pour moi, c'est les chiroptères, chauves-souris. Alors ça, c'est un truc... Bon, il faut protéger les chauves-souris. On a, grâce à la commune de Clarafon, on a pu trouver des bois. Grâce au syndicat du VH, on a pu aussi trouver des espaces pour compenser. Mais c'était mettre des forêts qui ne seront jamais exploitées pour les chiroptères. Ça veut dire que nos enfants, petits-enfants, il y aura des parcelles de forêt qui auront du bois, on ne pourra pas les exploiter. Qu'on laisse des arbres, oui, mais quand même exploiter, c'est quand même bon. On ne va pas revenir là-dessus, c'est fait. Donc on a eu un accord aujourd'hui sur la zone 3. On a tous les accords. Le dernier, c'était l'archéologie. Alors ça, c'est encore un grand truc. Grâce à M. le préfet, où je remercie encore une fois de plus, il nous a encore une fois de plus débloqué le dossier rapidement. L'archéologie est venue. Ceux qui sont venus étaient très bien. Il faut reconnaître. Ils ont fait leur rapport en 2 mois, c'était fait. Donc aujourd'hui, on a tous les accords. Donc on va lancer la viabilisation en 3 tranches. C'est quoi l'archéologie, Paul ? Archéologie, c'est on vient, vous savez, que quelqu'un a permis de construire, il y a une taxe archéologie. Donc on finance l'archéologie. Et quand on déboise ou qu'on mène plus de 5 hectares, je crois, en zone d'activité ou quelque chose, ou on change de destination, on vient... avec une pelle mécanique, 2 pelles mécaniques qui sont venues pendant 3 semaines. Ils font des fouilles pour voir, ils font des trous pour voir s'il y a des vestiges archéologiques. Bon, je vous laisse juger. On peut voir, faire 2-3 sondages et puis c'est tout. Bon, bref, heureusement, on n'a rien trouvé, donc c'est négatif. Heureusement, oui. Ah ben, si on avait trouvé quelque chose. Bon, S'il y avait eu une vieille, un vieux pot, ils auraient pu trouver... Un vase grec. Alors, ce qui avait été décidé, pour faire plus court, ce qui avait été décidé sur ces zones d'activité, c'est de faire en 3 tranches. Pourquoi 3 tranches? Parce qu'on ne veut pas tout déboiser les bois tout de suite, on le fera à l'avancement. Au fur et à mesure. On n'est pas pressé pour vendre non plus. Parce qu'on voit, quand on déboise tout, qu'est-ce qu'on recrée? On recrée des zones humides, des zones humides, le bois repousse. Ce n'est pas la peine d'enlever avant. Donc, aujourd'hui, il y a 3 tranches. Donc, mais quatre problèmes, quand on viabilise tout, parce que tout part de vers la route de Clarafon pour y amener à l'autre bout. Donc, il faut amener l'eau potable, il faut amener redescendre l'assainissement, parce que l'assainissement... On va faire une station d'épuration vers la route de Clarafon, vers le pont d'autoroute de Clarafon. C'est ce qui est prévu vers le pont d'autoroute de Clarafon. Et puis après, on en est aujourd'hui. Donc tout est lancé. On a fait une pré-commercialisation. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises. On a trié, on n'a pas tout trié. Il y a beaucoup de demandes, Paul. Oui, ouais. Il y a des demandes. Mais ce qu'on a privilégié, des entreprises qui ont des emplois. Déjà, ceux qui sont sur le territoire, qui ont des emplois et qui construisent. Que ce ne soit pas des, que ce soit pas des zones de stockage, par exemple. Voilà, surface bâtie. Ce soit... Donc là-dessus, on a, en gros, on a des entreprises existantes, qui est l'entreprise Filico Aliment du Bétail, qui aujourd'hui veulent agrandir leur usine de fabrication. Ça va bien dans le sens de la zone. Donc, ils prennent un terrain juste à côté, ils attendent. Il y a le SEG, parce que SEG, c'est... Il faut savoir que... Je ne vais pas débattre là-dessus maintenant, ça me reste un petit peu à travers. Vous savez que quand on a fait la ZAC 2, on a eu des interventions. Je ne citerai pas quelle association. Bref. Qu'aujourd'hui, il a fallu un compromis. Pas une compromission, un compromis. qui dit qu'il y a un hectare qu'on reprend, 9800 mètres carrés, qui a été payé par SEG, qui a été accepté par SEG, payé par SEG, qui aujourd'hui, il faut qu'on reprenne un hectare de terrain viabilisé, il faut qu'on reprenne pour leur donner la même surface dans la ZAC 3. Donc ça nous fait déjà 10 000 mètres carrés sur les 12 000 mètres carrés, il y en a déjà 10 000 qui partent pour cette compensation. Donc, et là-dessus, donc, on est parti aussi, donc on va faire l'échange entre l'hectare qu'ils ont et l'hectare qu'on va leur redonner. Donc il y a déjà un hectare de prix. Et l'hectare de prix, là, SEG, à côté de l'entreprise Renard qui prend 5 000 mètres carrés, ils vont faire un bâtiment, un grand bâtiment, pour faire dessous. Ils vont abriter tout leur fraisa, parce qu'aujourd'hui, ils rabotent sur les routes et ils remettent dans la robée une partie pour réutiliser. Et aujourd'hui, c'est stocké à l'extérieur. Donc ça prend l'eau. Et quand ils rechauffent pour refaire de la robée, au niveau de l'énergie aujourd'hui, ça coûte. Donc ce qu'ils veulent, c'est faire un grand bâtiment dessous pour faire des blocs de béton, comment ça s'appelle, des blocs style famille, des gros blocs comme dessous, faire de l'activité dessous, et dessus tout un panneau solaire pour rembourser aussi le dessous, pour faire d'économie d'énergie sur la centrale enrobée. Voilà déjà ce qu'ils veulent faire sur le ça fait 10 000 mètres plus 15 000 mètres carrés. Ça c'est pour le, c'est ce qu'on doit. Et puis après, pour le, donc ça c'est 10 000 mètres carrés. Après les 5 000 mètres carrés, après le restant, la commune, ce qu'on a réfléchi, sous l'initiative du vice-président à l'économie, c'est de plus vendre de terrain. Parce que le terrain est rare. On en trouve de moins en moins. Les zones d'activité, il y en aura moins en moins de terrain. C'est de partir, on ne vend plus les terrains, on fait des baux longue durée. Des baux de longue durée. C'est-à-dire que les gens, on n'a pas acheté un terrain, ils payent une location de 70 ans, mais ils la payent d'un coup. Ça veut dire qu'ils donnent 50 euros par mètre carré d'un coup et ils ont droit à utiliser le terrain pendant 10 ans. 70 ans. Ouais. Par contre, ils ont droit de revendre leur activité à une autre entreprise s'ils veulent revendre. Par contre, il faut qu'ils revendent à quelqu'un qui respecte le cahier des charges de la zone d'activité. Ce qu'on ne veut pas, c'est que notre zone d'activité soit transformée comme beaucoup d'autres. 10 ans après, on a des surfaces commerciales. Tu te trouves avec une grande surface, deux grandes surfaces, des habitations. Non, aujourd'hui, c'est une zone d'activité. Pour ça qu'on fera à tous des baux de longue durée. Ça a été au début quand on a rencontré des entreprises. Certaines entreprises, ça les a fait tiquer. Ils veulent acheter pour avoir le patrimoine. On a dit, bon, on ne vend pas. On vous donne le droit de construire une entreprise, un outil de travail. Finalement, il n'y a qu'une entreprise qui n'est pas venue, qui n'a pas donné suite. Les autres sont d'accord. Donc, en compromis, on a un serrurier qui vient, on a Filico. On a Savoie-Volaille qui veut agrandir. On a aussi, qu'est-ce qu'on a ? On a une entreprise du bâtiment, électricité plaquiste. On parlait tout à l'heure d'entrepôt. On a Seleski, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est des transporteurs qui font du froid positif. Donc ils ont prévu, ils travaillent un peu comme Savoie-Volaille, enfin pour des organismes comme Savoie-Volaille. Donc ils vont créer, ils vont faire des grandes surfaces des bâtiments. Oui, c'est prévu, je ne sais plus, 15 000 mètres carrés. Oui, ou ce qu'ils vont faire, ils vont faire des emplois, je ne sais plus combien, une grosse, c'est pratiquement tout couvert. Et là, ils vont regrouper, dégrouper tous les frais, tout ce qui est en frais, produits frais. Donc ça va bien dans le territoire, ils travaillent beaucoup avec des fromageries. Toutes les fromageries à Reblochon, ils travaillent beaucoup là-dedans. Ça arrive là, c'est dégroupé, ça repart. Donc ça va être une très belle entreprise avec, je ne sais plus combien d'emplois par jour, d'emplois et de camions, mais enfin c'est énorme. Ça c'est les grosses entreprises. Après on a un investisseur qui vient pour construire un bâtiment, pour faire des pépinières d'entreprise. Finalement, non pas que ce soit la collectivité qui investisse. Moi, je préfère trouver un investisseur. C'est lui qui investit. Puis après, soit il loue, soit il vend aux petites entreprises. Parce qu'une entreprise qui a 2 ou 3 ouvriers, aujourd'hui, il en faut. Mais dans une zone d'activité, ça consomme de l'espace. Parce que tu as les parkings, l'espace vert chacun. Alors qu'aujourd'hui, si on a ceux qui ont 2-3 employés, se regrouper au même endroit, ça nous économise le foncier. Et comme l'objectif, c'est économiser le foncier. Voilà, donc notre zone 1, elle est pleine. Ah, on a aussi de tête, on a aussi un crématorium. Ça veut dire qu'est-ce que vient faire un crématorium dans une zone d'activité. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'animaux de compagnie. De plus en plus d'animaux de compagnie à la campagne. On trouve encore un endroit pour les sépultures, les enterrer. En ville, on a fait quoi? Et puis les gens ne savent pas qu'en faire. Mmh. Discuter avec les vétérinaires, c'est quand même un problème. Donc il y en a un qui est intéressé. Aujourd'hui, il faut aller à Lyon, plus loin que Lyon, pour faire un... À Berrieux aussi, je crois. À Berrieux, je ne sais pas où. Bref. Donc c'est faire un crématorium pour animaux. C'est en projet, ça, c'est... Oui. Ah oui, c'est en projet. D'accord. Donc c'est une quinzaine d'emplois hein, entre... Ceux qui s'occupent du crématorium, ceux qui vont chercher les animaux. Parce qu'il faut aller chercher les animaux. Mais bon, ça peut faire sourire beaucoup, mais c'est... C'est une nécessité aussi. C'est une nécessité sur le territoire. Ah ouais. Et puis après, on avait le projet d'hôtel qui avance, mais il faut qu'on économise le terrain de la ZAC. Je pense qu'on ne le fera pas dans la ZAC. Dans la zone. Non, on a trouvé une autre solution qui serait plutôt, vers le bâtiment omnisport. On a la surface qui est là-bas, et ce serait plus centré vers nos commerces, plutôt que de le mettre plutôt au fond là-bas. Comme ça, l'hôtel, il serait carrément au rond-point à sortie d'autoroute. Et ça nous économise... Les 10 000 mètres carrés qu'on perd pour la compensation qui ne sert à rien, on les récupère sur notre hôtel. À quelque chose près. Parce que 10 000 mètres carrés, vous savez ce que ça fait? À 50 euros. Ah ouais. Vous voyez combien ça fait? Ça fait 3 sous. Ben, c'est 3 sous, c'est l'argent du contribuable, c'est pas le nôtre. Donc, je ne vais pas être pessimiste sur la Comcom, mais on cherche des économies de partout. Donc, il faudra qu'on en trouve de partout. Donc on va en trouver, et le changement de place d'hôtel, on va le faire valider. On travaille avec Jean-Louis dessus, avec deux ou trois. Il faut qu'on travaille, qu'on le valide, il faut qu'on avance sur ce projet-là. Après, sur la ZAC 4, bon, la ZAC 3, la ZAC 1, elle est partie, première tranche, on travaille sur la deuxième tranche. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres demandes, ça s'anticipe, et pour déboiser, on peut déboiser du mois de juillet, je crois, à octobre. Parce qu'après, il y a les chauves-souris, il y a ci, il y a là. Donc, ça s'anticipe. Donc, la ZAC 2, aujourd'hui, on travaille sur la deuxième tranche de la ZAC 3. La première tranche, elle est pleine. Il y a une petite chose qui va se faire à l'entrée, c'est la station-service. Elle a été actée au PLUI, donc la commune va lancer une consultation pour la station-service. Aujourd'hui, on a une station-service qui est dans la zone d'activité. Qui est très très mal placé là-bas sur la ZAC 1, où les camions ne peuvent pas aller, c'est une catastrophe. Donc l'idée, c'est de faire une station-service où il y a un peu plus de prix aussi, parce que là-bas, elle est chère. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat, il faut chercher aussi où c'est un peu moins cher. Donc c'est de faire une station-service, uniquement une station-service, à côté de la communauté de communes. Ce n'est pas une ZAC 4. La ZAC 4, il n'y a aucun projet avant la fin du mandat, c'est sûr et certain. Après les autres, l'autre mandat, c'est pas moi qui décide. Bon, pas tout seul du moins, donc c'est ça après. Mais c'est pas rien de prévu pour l'instant. ZAC. Aujourd'hui, la ZAC 3, elle s'arrêtera à la ZAC 3 et à la station service. Ça veut dire qu'il va y avoir deux stations Non, elle va fermer l'autre. Ah, elle va fermer, d'accord. Celle qui est où elle est aujourd'hui. Ah ouais, on a un problème de parking. Je ne sais pas si vous êtes là-bas. Oui, on est dans une zone d'activité qui aujourd'hui, heureusement, tant mieux. Mm-hmm. Vaut mieux avoir des problèmes de parking, qu'il n'y a pas de parking, qu'il y a trop de monde. Vaut mieux avoir trop de monde. Puis on a une chance, c'est que tous ceux qui se sont mis dans la ZAC 1, dans la zone commerciale au bord, toutes les entreprises sont contentes. Toutes les entreprises travaillent. C'est très très bien, mais on a un problème de parking. Donc en enlevant la station-service, ça libère de la place. Ça libère de la place. C'est pas pour reconstruire, parce qu'il n'y aura plus le droit de reconstruire. Là-bas, c'est densifié. Et c'était prévu au permis de construire que la station puisse s'enlever pour libérer des places de parking. Parce que c'est uniquement, c'est pas deux stations, c'est une station. Ok. Après, on a une demande aussi sur le territoire à côté là-bas, c'est un emplacement aussi pour des bornes de recharge. Bon. Voilà, j'arrêterai sur cette zone d'activité, mais ça va dans le bon sens, des emplois et des investissements sur le territoire. C'était long, mais avec de la patience, on y arrive. Il y a une chose qui me turlupine, Paul, c'est que avec tout ce que vous venez d'énumérer, là, il y a une question, hein. Il y a une question qui s'impose, mais là, je pense que ça va être Jean-Louis Magnin qui va nous répondre. Hein. Et c'est les prévisions de fin de mandat, en fait. Hein. Parce que là, ça va être du lourd de chez lourd, là aussi. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est moi qui, pour dire de parler un peu, mais ça serait bien à Paul de parler des projets à venir, hein, puisque c'est lui qui nous tire vers le haut, on va dire. Hein. Enfin, j'espère que les habitants du territoire sont conscients. Sont conscients que Paul Ranard tire le territoire et les élus vers le haut, et pas le contraire. Certains pensent le contraire, c'est pour ça que je me permets de le dire. Oui, on l'avait compris. Donc, au niveau du contrat qu'a signé Paul avec les services de l'État, le fameux CRTE, donc il y a quelques équipements qui en font partie, notamment la délocalisation de l'office de tourisme à Seyssel, Haute-Savoie, et la construction de la maison de santé de Seyssel, avec... un laboratoire d'analyse qui va venir s'intégrer dans les locaux. Bien sûr, des logements au-dessus qui seront commercialisés par Teractem, puisque c'est comme la maison de santé de Frangy, c'est Teractem qui est aux côtés de la cure pour ce projet-là. Donc ça, là, c'est encore un appel d'offres qui a été ouvert il y a quelque temps. Donc c'est Teractem, hein, qui... Et là, la mauvaise surprise encore, le pourcentage au-dessus de l'appel d'offres, de l'estimation, c'est 25%. Donc voilà, il va falloir s'enfiler aussi. C'est pas anodin. Hein. Voilà, et les travaux n'ont pas démarré. Donc imaginez si on continue dans la crise dans laquelle on est... Et la rareté des matériaux et la spéculation, il ne faut pas l'oublier non plus, celle-là. On va parler aussi des projets de rénovation de la piscine de Lasmine, réhabilitation de notre piscine estivale, qui a bien besoin d'un coup de jeune, tant au niveau de l'équipement de la piscine elle-même et du bâtiment, notamment pour l'accueil des personnes à mobilité réduite. Ça aurait été bien que ce soit le président qui en parle aussi. C'est le regroupement des sites administratifs. Ouais. Hein, politiquement, on avait bien pris l'option de ne pas regrouper au moment de la fusion les sites administratifs. Mais on se rend compte quand même, moi le premier, que trois sites administratifs sur un territoire, ça marche pas trop. Ça n'a pas notamment de sens. Pour, je pense, là j'ai une pensée pour le DGS. Qui, quand il est à un endroit, il n'est jamais au bon endroit. Ouais. Quand il est à Lasmine, il faut qu'il ait la frangie. Quand il est à frangie, il faut qu'il ait... Non, mais ouais, c'est compliqué. Donc, le projet de regroupement des sites administratifs. J'en parlerai un dernier. Je parlerai des terrains d'accueil pour les gens du voyage hein, puisqu'après, j'embrayerai sur le CIGETA. Et puis aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, un chantier qui va démarrer incessamment, c'est la construction de la crèche de multi-accueil de Mainzier, 25 berceaux. Là, on travaille aussi intelligemment, je pense, avec la mairie de Mainzier, la commune de Mainzier, qui va faire une salle associative à l'étage. Ah oui. Voilà. Et aussi, on a un gros projet. Paul a parlé de gymnase réparti sur le territoire. Un gros projet de gymnase. Enfin, un gros projet pour nous. Hein, c'est un gros projet. Puisque là, je vous donnais un chiffre. Hein, c'est plus de 5 millions d'euros. 5,5 millions d'investissements sur un gymnase à Frangy. Ah oui, le fameux gymnase de Frangy. Ouais, voilà, ouais. 5 millions d'euros. Ah oui. Il y en a un qui doit être content. Et puis, on a aussi des projets d'aménagement, puisqu'il faut qu'on aille dans ce sens-là, des véloroutes. Hein, la véloroute, la V62 qui fait Annecy, Annecy-Seyssel, quoi. Hein, mais aujourd'hui, on va faire... Le Via-Rona, oui. La V62, ce n'est pas la Via-Rona. Elle viendra se connecter à la Via-Rona. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, on va faire la partie... Contamine-Sarzin. Sarzin, hein, puisque notre territoire, il commence à Contamine-Sarzin. Contamine-Sarzin, ben, voilà. Et puis jusqu'à Frangis. Ça prend Bonlieu, non? Ça prend pas Bonlieu. Non, Bonlieu, c'est sur la commune de Salnove. Ah oui, Salnove. Ouais. Hein, mais bon, voilà. Sur le territoire de Fiéréus, ouais. D'accord. Voilà un peu les investissements qui sont prévus dans leur... J'en ai pas oublié. La Via-Rona, la partie... ouais, elle n'est pas là-dessus. C'est pas sur mon papier. La partie Arcine. La Via-Rona, là. Hein, on est dans le... D'accord, on est dans la Via... Arcine. Arcine, Usinan. En passant par le site de la Croisée. Ouais. Et après, au niveau du... du réservoir d'eau De la Comcom Non. Pas de la Comcom, du syndicat des eaux. Ah. Et là, après, on bifurque en direction d'Usinan. Voilà les gros projets. Dis donc, c'est pas mal. Et basculer sur les gens du voyage. Oui, c'est ça. C'est la question que j'allais poser. Voilà. On va passer aux gens du voyage. Donc, parce les gens que du voyage, le temps passe. On a donc une compétence intercommunale des gens du voyage. Et on est adhérents du CIGETA. 205 000 habitants, le CIGETA. Ça comprend plusieurs communautés de communes. Je vais vous les citer. Donc, il y a la communauté de communes du Genevois, du Pays de Cruseille, Arvey-Salève, Usseroun. Et puis, il y a Annemasse-Aglo aussi, qui fait partie du CIGETA. 205 000 habitants. Et on abonde donc un budget de ce syndicat à hauteur de 4 euros par habitant. Par habitant. Donc, c'est en gros 800 000 euros qui est généré par cette cotisation au niveau du budget du CIGETA. Donc pour la communauté de communes, c'est un peu plus de 80 000 euros de participation qui va aller en augmentant. Là, il ne faut pas se faire de soucis là-dessus. Ça va augmenter puisqu'on doit coller au schéma départemental d'accueil des gens du voyage qui, lui, est régulièrement révisé et nous met des contraintes, de plus en plus de contraintes par rapport à cet accueil puisqu'il y a de plus en plus de voyageurs sur les routes. Les gens du voyage, il y en a de plus en plus. Et on se doit de sédentariser certaines de ces populations qui ont le souhait de se sédentariser. Donc là, le choix qui a été fait, les éléments qui nous sont imposés au territoire de la CCUR, c'est 6 terrains familiaux. Donc ces 6 terrains familiaux, pour sédentariser les gens du voyage, on a fait le choix, nous, d'aller vers une construction plutôt que de terrain. Ça nous semblait plus rationnel et plus judicieux de façon à pouvoir contrôler mieux les choses. Donc on construirait 3 logements dédiés aux gens du voyage. Voilà, qui se feraient sur le site de la SMIN, pas loin du bâtiment administratif. En fait, les deux choses sont liées. C'est le bâtiment administratif, regroupement des bâtiments administratifs et regroupement des gens du voyage, la sédentarisation des gens du voyage. Sur la SMIN. Mais c'est quand même bizarre qu'on doit assurer la sédentarisation des gens du... Oui, alors là, c'est... Et ils vont payer des impôts, ces gens-là? Eh bien, ceux-là, donc on va s'appuyer sur un bailleur social, en l'occurrence Alpha 3A. D'accord. Et qui a déjà cette compétence au niveau du département. D'accord. Et nous, le coût communauté de communes, il est moindre. Hein. Ça va nous coûter 30 000 euros, à peu près, quand même. Et après, on n'a pas de frais. Construction, ce n'est pas nous. D'accord. Enfin, un bail amphithéotique sur le terrain aussi. Voilà. D'accord. Voilà, je veux juste aussi vous donner quelques chiffres quand même. Mm-hmm. Le PPI du CIGETA, à 3 ans, c'est 5 millions d'euros. 5,2 millions d'euros. Ah oui, Il y a 3 aires de fixes sur le territoire du CIGETA. Il y a Viry, Annemasse et Régnier. 3 aires de 32 places. On va refaire à l'automne l'aire de d'Annemasse, agrandie de 6 places. Ça fera 38 places. Le coût de cet agrandissement et de cette rénovation, 2,3 millions. Ah oui, 2,3 millions. Moi, c'est... Je représente la communauté de communes au Sigeta, j'ai beaucoup de mal avec ces chiffres-là. Parce que quand on voit comment on accueille nos anciens dans nos EHPAD, c'est compliqué. Hein. Je ne suis pas le seul. Hein. Voilà, un peu brosser un peu simplement le Sigeta. Non mais là, je remercie Jean-Louis de suivre le Sigeta. Et je m'associe à ce qu'il vient de dire là. Tout ce qu'on donne au Sigeta et qu'on n'arrive pas à construire un EHPAD, faire fonctionner un EHPAD, c'est quand même dommage. Mais ça, c'est un débat, on peut en parler pendant 10 jours. Il y a des élections législatives qui arrivent. Si un jour vous interviewez des candidats ou candidates, vous leur poserez la question. Qu'est-ce qu'ils pensent des gens du voyage? Parce que c'est des gens, pour moi, ils sont soutenus haut placés. Ils sont soutenus d'en haut. On les a eus notamment sur la SMIN. Heureusement qu'on a des services d'État départementaux qui sont à notre écoute et qui sont rapidement intervenus. Mais c'est infernal, ils sont protégés partout. Hein. Bon, mais enfin, c'est pas à nous. Mais ils ont des protections haut placées. Donc, d'où ça vient? Parce qu'on dit les services de l'État, le préfet, ci et là, mais le préfet fait qu'appliquer une loi. La loi, elle est votée par qui? On oublie souvent, on critique les services de l'État, mais les services de l'État, ils font que appliquer la loi. Uniquement la loi, toute la loi. Et la loi, elle est votée par... Les députés. Les parlementaires. Les parlementaires. Donc, sans réélire, là, une question à poser. Une bonne question que je vais vous poser à l'un ou à l'autre, hein. Peut-être à Jean-Louis, tant pis pour Paul. Hein. Le médical. Alors le médical, vous nous avez fait quand même une petite confidence que nous avons beaucoup appréciée avec Robert. C'est l'arrivée d'un médecin, ou plutôt d'une femme médecin. Oui. Qui habite à Franklin. Qui habite le territoire. Alors... Déjà, pour revenir à la genèse des médecins sur la SMIN, on repart un petit peu en arrière. Et la fameuse maison de vie 1, parce qu'on l'appelait maison de vie avant, mais après, il a vite fallu lui mettre un numéro, donc la 1, la première, qui a été initiée par le président, je me souviens bien, j'étais là. J'étais là. Et avec le docteur Rabatel. Qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs. Qui était aussi à l'origine de la maison de vie, hein, faut pas l'oublier. Et avec les kinés, avec la balnéo. Voilà, c'est parti de là. Et puis bien sûr, après, avec la crèche et tout ce qui est aujourd'hui opérationnel là-bas. Ouais. Donc le docteur Rabatel étant parti en retraite, on se voyait dans la difficulté. Oui, et bon, on a bien sûr la maison de vie 2, le docteur Bouvet. Mais donc, le téléphone de la mairie de Chêne et de la communauté de communes sonnait souvent pour les preuves secrétaires se faire enguirlander, pour ne pas dire plus, de l'incapacité des élus à trouver des solutions pour amener des médecins. Comme si c'était de la compétence. Voilà, c'est compliqué. Et puis... moi, j'ai eu la surprise. La surprise, un jour, j'étais en mairie, c'était un mercredi, d'avoir Élodie Pommier, qui est une habitante de Franklin, qui est médecin, anesthésiste, réanimateur à l'hôpital cantonal de Genève. Elle m'appelle, elle dit, devant la situation catastrophique de la médecine, je ne peux pas continuer à évoluer. Dans la hiérarchie de l'hôpital du canton de Genève, je m'éloigne des patients alors qu'il y a des besoins prégnants sur le territoire sur lequel je vis. Qu'est-ce que vous en pensez si je m'installe comme médecin généraliste? C'est le bon Dieu là. Je me rappelle, c'était un mercredi, je me rappelle de ce jour-là, donc... bien sûr que... La surprise. Bien sûr que... Donc, c'est vrai que j'ai gardé ça quelques temps pour moi. Elle m'a demandé, le temps qu'elle regarde qu'elle puisse voir les possibilités avec le Conseil de l'Ordre. Elle est vite revenue vers moi. Elle m'a dit, j'ai pris ma décision. J'annonce ma démission rapidement. Le lendemain ou le surlendemain, on se voyait avec Paul Ranard et Madame Pommier sur le site de la maison de vie 1. On ne s'est pas tapé dans la main, mais avec Madame Pommier, c'est un peu pareil. Paul était enchanté aussi, bien sûr, de la nouvelle. Donc voilà, le temps qu'elle refasse quelques stages de remise à niveau, à la fin de l'année, on aura une médecin. Et je ne doute pas de son succès, parce que c'est une femme qui a beaucoup d'empathie vers les gens. Donc je veux aussi souligner qu'au moment du Covid, le premier confinement, tout de suite, elle m'a appelé, elle m'a dit « faites passer mon numéro de téléphone, mon portable, faites circuler dans Franklin les gens qui ont des appréhensions par rapport à ça ». Et je sais qu'elle est intervenue à plusieurs reprises et je la remercie publiquement. J'ai déjà fait, mais publiquement aujourd'hui. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. On aimerait en avoir beaucoup plus des nouvelles comme ça, c'est sûr que... Et puis... Un peu en anticipant un peu ce besoin de médecins, il y a aussi un projet de téléconsultation qui risque de voir le jour. On ne peut pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais on est sur cette piste-là qui permettra aussi, parce que le nouveau médecin qui va arriver ne pourra malheureusement pas régler tous les problèmes. Bien sûr. Et il y a certaines consultations qui peuvent très bien se faire en téléconsultation. Et on va essayer d'apporter ce service supplémentaire. Ce qu'on appelle les télécabines, voilà. Comme il y en a sur Val-sur-Rhône. Oui, bien sûr. Il y en a deux sur Val-sur-Rhône, effectivement. Une qui va être opérationnelle ou qui est déjà opérationnelle. Chez François Guillemot. Et puis l'autre à la pharmacie du marché. Voilà. Donc je voudrais aussi... dire au président que le médecin, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est lui qui... C'est Madame Pommier qui est venue vers nous pour se proposer. Voilà. Et... Non, mais je remercie Jean-Louis parce que tu as fait beaucoup sur ce médecin. C'est sûr que on a cherché, on n'a pas trouvé. Et puis finalement, on trouve l'oiseau rare. Donc heureusement que tu avais des relations avec Madame Pommier. Et qui je remercie publiquement aussi d'avoir fait le choix du territoire. Ouais. Pas faire le choix que... Que de carrière. Que du tiroir caisse ou de la carrière. Et d'aujourd'hui de venir rendre service à notre territoire. Est-ce que Jean-Louis, quand on a investi sur cette maison de vie 1 ou 2, c'est pour avoir des professions médicales. Ouais. Est-ce qu'ils tirent tous les médecins? Donc docteur Bouvet ne peut pas tout faire. Et là, on avait une rencontre avec Dr Bouvet et Mme Pommier aussi, qui sont sur la télémédecine, tous les deux, en disant « ça ne remplace pas un médecin, mais ça peut soulager pour les petites choses, une grippe, un furoncle, j'en sais rien, moi. Une rage de dents, un truc comme ça, un renouvellement de médicaments, tout simple, d'éviter d'aller surcharger les médecins. » C'est très très bien. Et puis Dr Pommier... quand Jean-Louis l'a fait rencontrer, elle a très bonne façon de voir les choses. Elle va aller sur, comme on a deux cabinets qui correspondent, elle veut aller les deux cabinets pour faire comme Madame Docteur Guillemot a fait, faire travailler avec une infirmière avant. Ah, oui. Et puis à court terme, plus tôt possible, prendre un interne dernière année pour le former, c'est ce qu'elle nous a dit. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à fidéliser essayer de trouver des médecins. Quand on essaye de les trouver, parce que je sais que le maire de Chênes, Paul, a fait des démarches en tant que maire de Chênes pour justement faire appel à des chasseurs de tête pour trouver un médecin, évident. Ça a coûté un peu à la mairie, mais ça n'a pas rapporté de solution. Et la solution, elle est arrivée de l'intérieur comme ça. C'est un peu miraculeux quand même. Ouais. Comme quoi, des fois, dans les villages... Mais c'est vrai que vous avez eu de la chance, sincèrement, vous avez eu de la chance, parce que aussi bien Paul que toi, Jean-Loup, le fait qu'elle soit à la porte de la mairie et puis qu'elle vienne frapper à la porte quand même. Et puis surtout, quelle est sa vision de son métier qui ne le satisfaisait pas d'avoir du monde sous ses ordres, qui l'éloigne des patients, c'est surtout ça aussi qui fait que... Elle devait se positionner, enfin c'est ce qu'elle nous a confié, elle devait se positionner dans les jours qu'ont suivi notre rencontre sur la prise ou pas d'un poste à responsabilité. Elle a fait le choix de donner sa démission plutôt que de... Ah ben chapeau. Donc là, elle a donné sa démission. Elle a bien sûr un préavis, mais voilà. Oui, bien sûr. bien sûr. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que donc les patients du docteur Rabatel sont plus orphelins. On demande juste un petit peu d'attente jusqu'à la fin de l'année. Et après, ils pourront reprendre rendez-vous avec la nouvelle. Après, je reviendrai deux secondes sur la télémédecine. La télémédecine, c'est pas la Comcom qui met en place. Parce que la Comcom, on a toujours des compétences en plus, pas des moyens supplémentaires. Vous savez ce que c'est avec la télémédecine. Elle est louée, la télécabine. Ou la cabine, ouais. Elle est louée. Donc, si c'est la Comcom, c'est la Comcom qui paye. Après, il faut en mettre partout. Comment on dit, on en met là et pas là-bas. Donc, la télémédecine à la SMIN, c'est encore une fois les 7 communes qui se mettraient ensemble pour financer cette cabine. C'est pas que pour les gens de la SMIN, mais c'est financé par les 7 communes. Comme ça, si ça se met ailleurs, il faudrait que ce soit les communes qui le fassent. Parce qu'autrement, la Comcom ne pourra pas tout prendre. C'est pas possible. Comme ça, ça laisse l'attitude à une commune excentrée, mais une grosse commune excentrée, de dire, ben moi, j'en mets une, je paye 7 ans par mois, je trouve l'endroit pour le mettre, et puis je fais ça. Parce qu'autrement, si c'est la Comcom, on n'en finira plus. Ah, voilà. Mais je tiens à préciser, en tant que président de commune, là, que ce n'est pas la Comcom qui va financer, c'est bien les 7 communes, de la SMIN, qui ont l'habitude de toujours travailler ensemble, comme on travaillait notamment sur le terrain de foot, les manifestations, toutes ces choses-là. On mettra la télémédecine ensemble. C'est bien. Ouf. Ben dis donc, il y a du pain sur la planche. Du pain sur la planche, oui. Après, je voulais juste venir un petit mot sur l'EHPAD. Ah, oui, vous disiez, il y a quelque chose qui vous contrarie. Parce que l'EHPAD de Frangy, non, 5 minutes. Ouais. L'EHPAD de Frangy, vous savez que, bon, qu'elle est arrivée en commune, il y a deux choses à Frangy qui étaient en sursis. C'était la déchetterie, qui aujourd'hui est faite neuve, et l'EHPAD. L'EHPAD, c'était en sursis de fermeture. Donc, il a fallu qu'on travaille la commune. On a mis 300 000 euros dans de l'électricité. Parce que vous savez qu'il y avait un veilleur de nuit pour savoir s'il n'y avait pas un incendie qui allait se déclarer. Non, mais c'était... Donc, on a fait ça. Puis après, la décision a été prise de construire un bâtiment. On a trouvé le terrain. Ça n'a pas été facile. Trouver dans le centre-ville, ça n'a pas été facile. Donc, on a trouvé du terrain. M. Banchet, qui n'est pas là, que je remercie. Après, il a fallu trouver le financement. Donc le financement, il a fallu qu'on trouve à revendre les anciens bâtiments. On a trouvé un promoteur qui nous a payé, bien payé, qui a fait une péréquation avec un habitant de Frangy, que je remercie, qui est la famille Dupin. On a pu trouver un financement pour notre EHPAD. On a eu un financement du département de 20%, qui est maintenant de 25%, que je remercie le département d'avoir nous avoir attribuer la subvention tout de suite. On a lancé la consultation des entreprises, on a eu les permis de construire, tout était bon, avec tout le monde. On a ouvert notre appel d'offres, 7 millions d'euros de bâtiments, ce qui était prévu, plus 3 de ménagement intérieur, ça fait 10, on était dans les clous. Là-dessus, on nous a dit, il y a le Ségur de la santé qui fait qu'on peut émarger jusqu'à 20% d'aide supplémentaire avec le Ségur de la santé, mais il ne faut pas avoir commencé les travaux, pas avoir signé le marché. Okay. 20% de 10 millions, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est moi qui étais là-dedans, je poussais un petit peu, en disant, bon, on va annuler l'appel d'offres, on va lancer le dossier de subvention, et puis on lancera un appel d'offres en juin de cette année. Manque de peau, vous avez vu la hausse des matériaux. Quoique, si on avait continué, c'est ce que Jean-Louis dit, on n'a plus le droit de signer des marchés fermes. Ouais, donc alors on aurait eu la révision de prix, pareil. Bon, bref. Ça ne change rien. Mais là-dessus, c'est qu'on est en discussion avec l'ARS, parce que c'est encore un sacré. Je me demande de quoi ça sert, j'ai pas trop vu, compris à quoi ça servait. Bon, bref. Donc l'ARS, on a eu une première réunion. Heureusement que je n'y étais pas, parce que bref. Ils nous ont dit, ah ben oui, mais ça va, votre 7 millions d'euros pour faire un EHPAD, c'est pas possible, c'est pas assez cher. Bon, peut-être. Alors après, ils nous disent, faut faire un vide sanitaire. Vous savez ce que c'est qu'un coût d'un vide sanitaire. Donc c'était fait comme sur les maisons de vie, pas de vide sanitaire, puis on passe tout dans les cloîtres, dans les plafonds. Ça coûte bien moins cher, pas de vide sanitaire. Alors ils disent, non, votre bâtiment, il va pas. Il faut revoir avec notre service bâtiment, parce qu'ils auront un service bâtiment, avec notre service bâtiment, il faut faire un vide sanitaire. Et puis un EHPAD, ça ne se fait pas en étage, ça se fait plein pied. Donc plein pied à Frangy, on n'a pas le terrain. Et puis aujourd'hui, on nous dit qu'il faut densifier un EHPAD comme celui de la Croix-Rouge qui se fait à Belliard, il est bien en étage. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on a les services par étage, l'ascenseur qui va au milieu, on a beaucoup moins courir. Mais non, ces services-là nous disent, alors on a une réunion, je pense que ça va moyennement se passer, sous l'égide du préfet, remercie encore M. le préfet, m'avoir mis en relation avec le directeur de l'ARS, qui n'était pas au courant de ce qui se passait. Parce que je pense que l'ARS, ils ont des services bâtiments, qui aujourd'hui n'ont pas grand-chose à faire, il faut justifier le poste. Donc là, on en est aujourd'hui. Mais ça arrive un moment, aujourd'hui, où on va avoir une réunion, ça va être où ils nous donnent la subvention, ou ils ne veulent pas nous la donner. Je dirais pourquoi ça se fait sans subvention. Mais aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on va lancer la consultation au mois de juin pour signature des marchés fin d'année, avec la subvention de la DRS qui nous avait pratiquement promis, ou sans, on le fera savoir. Mais c'est pour ça que l'EHPAD, ça me chagrine un peu aujourd'hui qu'on ait eu toutes les autorisations, l'accord du conseil départemental, les services du conseil départemental, et c'est l'ARS, on a fait ce EHPAD en étage, on l'a fait avec le personnel de l'EHPAD de Frangy, avec la directrice qui était avec les architectes, on a monté un dossier, on a travaillé avec les services, comment ils voulaient le service là, ils le voulaient là, là, ils le voulaient là. Moi, je pense qu'il faut travailler avec les gens qui sont, qui mettent les mains dans le cambouis, qui sont là tous les jours pour travailler, plutôt qu'à certains qui sont dans les bureaux d'études. On voit à quoi ça mène. Donc aujourd'hui, on ne bougera pas notre bâtiment. Moi, je m'opposerai personnellement à ce qu'on bouge la structure de notre bâtiment. On a payé des architectes, on a tout, on est prêt à relancer, on va relancer. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution, dans le bon sens. Mais ça me déçoit un peu qu'on doive se battre pour des conneries comme ça, pour des conneries de vide sanitaire. C'est quand même pas eux qui vont nous imposer ce qu'il faut, des EHPAD qu'on étend dans un tout plein pied, un vélo pour aller d'un côté à l'autre. On oublie qu'il y a des personnes qui sont en fauteuil. Voilà, c'est pour dire un petit coup de gueule pour les pattes de Frangy. On va y arriver, mais bon, on aurait peut-être dû passer outre la subvention. Subvention piège à con, oui, peut-être. Parce qu'on n'aurait pas passé outre le dossier. Il commencerait, on aurait la hausse, mais ça sortirait de terre. Ouais. Que là, ça sortira de terre, oui. Il voilà. Faut qu'on signe les marchés au mois de décembre. Parce qu'ils nous ont promis. Vous perdez un an. Ils nous ont promis l'accord de subvention. L'accord de subvention au plus tard novembre. Ah ouais. Réponse. Mmh. Donc on va attendre, on va encore jouer notre bonne volonté jusqu'au début décembre pour signer. Mais début décembre, on signe. C'est Jean-Louis vous a dit tous les projets de mandat. Et puis le projet là, c'est un gros projet aussi. C'est un projet phare de fin de mandat. Et puis du deuxième parti. Et puis dans tout ce que Jean-Louis a dit, il y a encore tout ce qui est assainissement. Puisque l'assainissement est un budget autonome, c'est en plus de tout ce qu'on a dit. Donc l'assainissement, il y a des stations d'épuration. Et aujourd'hui, ce qui est grave, c'est qu'on a des stations d'épuration qui sont à refaire, qui avaient été faits des macrofiltres il y a 10-12 ans. Aujourd'hui, il faut vider les roseaux. Quand on vide le roseau, on s'aperçoit que les stations ont été faites dans un endroit un peu pas trop stable. Les bassins ont bougé, il faut refaire les bassins. Et chaque fois qu'on fait ça, on n'a pratiquement pas d'aide. Puis surtout, on n'a pas de recettes supplémentaires. Ah oui, bien sûr. Avant, quand on faisait une station d'épuration, on avait des nouveaux effluents qui arrivaient, des nouveaux gens qui se branchaient. Donc, on avait des recettes. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, quand on rénove, on n'a pas de recettes. Et ça va être un peu plus pour le budget assainissement. Il faut d'accord. Fasse attention, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne veut pas étendre les zones constructibles. Parce qu'on n'étendra pas l'assainissement collectif. Aujourd'hui, ce qui est non collectif, pour moi, dans les hameaux, tout ça, ça va rester non collectif. On était dans le faux, il y a 5-6 ans en arrière, en voulant tout du collectif partout, faisant des réseaux partout, concentrant les effluents partout. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir du collectif où il y a une densité, oui, mais où il n'y a pas de densité dans les hameaux. L'assainissement individuel ou à 2 ou 3, ça fonctionne largement aussi bien. Et puis, il n'y a pas de fonctionnement, on ne casse pas les routes, il y a beaucoup moins de frais. Donc c'est pour ça que l'assainissement, c'est encore une grosse chose. Aujourd'hui, assainissement autonome, on ne veut pas augmenter le prix. Donc il faudra aussi que pas trop le prix. Voilà. Et c'est pour ça que je veux en venir juste après à l'eau potable. Encore une compétence qui... Non mais j'arrête, hein, qui vont nous obliger à faire, à prendre à la fin du mandat. Et ce que je regrette, c'est qu'on met une compétence, la loi nous oblige à avoir une compétence totale. C'est-à-dire on prend une compétence totale. Non pas prendre le système qu'on a aujourd'hui sur les Bellefontaines, Semines ou ailleurs. C'est qu'aujourd'hui, l'artère principale, le forage, l'artère principale, c'est du collectif. Mutualiser toutes les ressources, c'est du collectif. Par contre, les communes, c'est un compteur et c'est les communes qui chargent l'eau dans leur commune. Pourquoi ? Elles connaissent leur territoire, les employés communaux connaissent, les secrétaires communaux connaissent. Aujourd'hui, on veut tout regrouper à la Comcom, ça va renchérir le coût de l'eau. C'est clair, c'est mathématique. Alors qu'on laisserait comme c'est, on ne casserait pas ce qui marche, ce serait beaucoup mieux. Ce sera le mot de la fin. Comment dans 4 ans, mais bien sûr. Mais c'est une question que je peux, qui me vient à l'esprit, là, comme ça. Dans 4 ans, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez votre retraite ? Parce que là, comment ils vont faire par là-haut, la cure ? Ils vont faire comment ? Non, je vais dire, passer la parole à Jean-Louis. 4 ans, c'est loin, maintenant, de voir ce qui se passera dans 4 ans. Mais je veux remercier aujourd'hui, là, publiquement, tous les vice-présidents de la commune de l'époque, la cure d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a 10 vice-présidents qui chacun s'implique. Aujourd'hui, le président, il ne fait pas grand-chose. C'est la synthèse entre tous les vice-présidents. Donc, je remercie tous les vice-présidents du travail qu'ils font. Le conseil communautaire, la grosse majorité, va dans le bon sens. C'est une équipe. Et je remercie déjà toute l'équipe de la cure. Et puis j'espère qu'on finira le mandat, et puis je passerai la parole à Jean-Louis, la fin du mandat sera une autre chose. Nous, la différence qu'on a avec les grands politiques, on travaille au jour le jour pour le bien-être de nos habitants. Et s'il y a deux collectivités qui sont proches des habitants, c'est la commune et la communauté de communes. Tous les autres, c'est beaucoup plus loin. Donc quand ils arrivent à mi-mandat, ils pensent déjà le mandat d'après, comment ils vont faire pour se faire réélire. Nous, non. Je pense que les élus de base, plutôt là, on fait notre boulot et puis après, on aura bien fin d'année. Mais je ne doute pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont très, très compétents. Merci, Paul. Jean-Louis, un petit mot, non ? Oui, un petit mot. Moi, je voudrais simplement dire que... Alors, dans 4 ans, c'est loin. Oui, bien sûr. Je sais qu'il faut... J'avais dit à Paul, il ne faut jamais dire jamais. Donc voilà, mais voilà, on en reparlera. On en reparlera au moment venu. Ouais. Moi, ce que je voudrais dire, la cure, c'est un orchestre. Ouais. Pour qu'un orchestre y marche, il faut un chef d'orchestre. Donc on a un bon chef d'orchestre. Et puis, je voudrais finir par ça aussi. À un moment donné, Paul, on l'a accusé d'être un bétonneur. Et moi, lors de la cérémonie des vœux qui a suivi un peu ces événements un peu douloureux par rapport à la ZAC 3 qui était en projet, et j'avais dit, Paul Renard, t'es pas un bétonneur, t'es un bâtisseur. La différence, elle est énorme. Elle est énorme. Hein. Voilà. je termine là-dessus. Bon, c'est vrai que chef d'orchestre, il mène les choses à la baguette. C'est le moins que je puisse dire. Merci Paul Renard, merci Jean-Louis Magnien, oui merci. Merci à toi, et Robert. Puis un merci tout particulier à Alric, c'était sa première réalisation avec des invités. Voilà, merci Alric, on va pouvoir lancer le générique, couper les micros et puis se retrouver pour un moment convivial. Bonne journée et puis dimanche prochain l'émission sera rediffusée à partir de 11h. Merci infiniment. Merci à vous. By Indiction.